Salut à toutes et à tous, on va se marrer. On demande au public de bien vouloir enlever ses gants, sinon on n'entend pas les applaudissements. On va se marrer, alors en début d'année c'est normal, on vous présente nos vieux Bab du club. Salut les filles. Ah putain, j'ai fait un an de plus. Maurice. Bonjour à tous. Maurice qui nous a prévenu qu'il avait une nouvelle blague crue en 2010. Oh. C'est vrai Maurice? Exactement. Oui. Tu nous préviens quand tu l'as fait qu'on fasse quand même tout un ramdam autour. Oui, exactement, bien sûr. Celle-là va encore tourner partout. Hein. C'est une nouvelle blague crue racontée par une pré-cuite. Et GG est là également ce soir. Frédéric Coster. Avec une nouvelle coiffure. C'est vrai que les éditeurs ne le voient pas. Hein. C'est dommage. Oui. Et comme chaque semaine, nous avons un invité. Oui. On l'entend. Un invité qui présente un grand spectacle. Enfin, le titre, c'est Big Show. Donc ça, le Big Show. On imagine Peep Show. Beaucoup de Non, pas le Peep Show, Maurice. Le Big Show. Oui, oui. C'est Damien. Ah, salut Damien. Il n'a pas de nom. Bonsoir. Bah, je sais pas, on m'a dit il s'appelle Damien. Alors, oui, c'est son prénom. Mais vous n'avez pas donné son nom. C'est Damien Lecamp. Et tu vois, j'avais raison. Bonjour. Mais alors, je crois que... Lecamp, et en face, c'est Maurice Lecon. Mais moi, je tourne pas, moi. Oh non, ça finit. Alors, Damien, je crois, représente ici tout un groupe. Vous êtes t'es pas tout seul. Oui, on est 8 comédiens à jouer dans le Big Show. Oui. Et les autres n'ont pas pu venir, paralysés par le froid. Donc je suis tout seul faire la promo du Big Show. Non, ils n'ont pas voulu venir ou ils n'ont pas. Les autres ont leur expliqué ce que c'est. Ils ont écouté l'émission et ils ont eu un petit peu peur. C'est ah ça, mince, et bon, on va les dénoncer fait, alors. C'est quoi leur prénom? Il y a Anne, il y a Manon, Antonio. Oui. Il y a Sophie, Bruno, et c'est à peu près tout. Il y a des filles. Ah si, il y a Séverine aussi. Mais en fait, ça tourne, parce qu'on n'est pas toujours 8. Parfois, on n'est que 6. J'ai cru que t'allais dire, il y a Séverine, mais c'est une conne. Non, c'est qu'il y en a qui viennent un peu moins souvent, mais en général, on est 8. Et Jean-Paul Darcher aussi, bien sûr. Jean-Paul 10. Darcher. Alors, ce spectacle, le Big Show, il se joue où? Il se joue au Théâtre du Bout à Pigalle, le Bourron, 62 rue Pigalle, dans le 9e, à Paris. Oui. Tous les dimanches à 20h45 et à partir de février, le samedi à 19h. Le métro? Métro Pigalle. Merci. Métro Pigalle, exactement. Alors, le Big Show, c'est un spectacle avec des sketchs ou avec des impros? Il y a de tout. Il y a de tout. Et comme on est 8, on a chacun un style différent. Et en fait, l'intérêt pour le public, c'est ça, déjà la diversité. Et aussi, il peut voter, il participe. D'accord. Donc, comme on est 8, on fait deux équipes de 4, les rouges contre les blancs. Le public vote pour son équipe favorite. D'accord. Et au sein de l'équipe favorite, il vote pour son humoriste préféré. Ah. Voilà, donc les gens sont ravis de participer de façon active au spectacle. Alors, donc, une émission culturelle, comme tu peux le constater dans ce lancement. Avec des jeux, avec des épreuves, avec avec des jeux, avec des épreuves. Mais cette émission est une épreuve. Et puis éventuellement un ou deux extraits du spectacle, si tu es en forme, si tu acceptes. Donc la première épreuve, ça va être de bien vouloir donner un nom aux deux équipes, puisqu'il y a deux équipes ce soir. La première composée donc de Bob du club, GG et Maurice. Donc les auditeurs auront remarqué que nous avons accédé à la demande de Bob. C'est-à-dire? Qui, maintenant, il a deux coéquipiers. Ah oui. Mais hors antenne, j'ai dit à Damien, ils sont trois, on est deux, mais t'inquiète pas. Oui. Oui, parce que d'habitude, Bob en a marre de perdre, parce qu'il y a quand même une épreuve, hein, on note des points, et il en a marre de perdre toutes les semaines. Donc il a fait des réclamations au niveau de la direction, voilà, de la station. Maintenant j'ai GG, hein. Voilà, ça va être GG et Maurice. Maurice, j'ai déjà eu pendant des siècles. Ça m'a permis de perdre régulièrement. Voilà. Toi qui adore perdre. Oui, moi j'aime pas du tout perdre. Alors le nom de l'équipe du trio. Alors hors antenne, je vais faire un petit peu rêver les auditeurs. On a eu un débat sur Pétain. Donc l'équipe adverse, je vais leur proposer le nom des Poilus. Poilus. Alors les Poilus, je le note. Mais ça, c'est le bon côté de Pétain. C'est le bon côté de Pétain. Oui. C'est un héros à l'époque. Tout à fait. Et nous serons les glabres. Vous l'aimez pas. Oh. Bah tiens, à ce propos, mais c'est Maurice qui part la semaine prochaine à Vichy. Oui, à Vichy, oui. Tu pars en cure? En cure, bien sûr. Non, il part en pèlerinage. Et alors votre équipe? Les glabres. Les glabres, c'est le contraire des poilus, les sans poils. Donc c'est noté, voici pour commencer la première question. Celle qui... Donc tu dis, Damien, tu dis tout ce qui te passe par la tête. Hein, oui. La réponse. Non, pas tout. Non. Pas tout, non. Non, ça sera coupé sinon. Alors, quelle invention... Oui. L'émail. Est à l'origine. Non. Pétain. Oui, alors, quelle invention a pour inventeur le physicien Röntgen? Qui ça? Röntgen. Eh bien, la 18h. De quoi? La Röntgen 18h de Playtex, elle est très connue. Oh là là. Röntgen. Non, mais piquez-le, celui-là aussi. 17e siècle? Je sais pas. Bon, c'est pas marqué. Non, pas plutôt 20e, moi, je dirais. Plutôt 20e. C'est une invention récente? Je pense. Je pense. Bah oui, parce que si c'est du 17e, c'est une vieille invention. Oui. Et du 20e, on peut dire que c'est récent. Voilà. On peut dire ça. Oui. Il a dit oui, bah c'est bon, merci. Non, j'ai pas dit. Alors, donc l'invention en question. Alors, si est-ce que c'est dans le domaine des sciences? Oui. Oui. Bah oui, c'est un physicien. Dans le domaine de la voiture. C'est un physicien, pas du tout. Je vais vous aider dans le même domaine. Maurice a fait des siennes dans le domaine du cinéma. Ah bon? Oui. C'est pas le magnétophone, le magnétoscope? Non. Non. Alors, imaginez le Maurice. Alors dans les années 50, 40, Maurice a fait du cinéma. Il y a des films porno. Ah, il y a le truc porno. Maurice a fait des films porno. Le cinéma parlant. Hein? Le cinéma. Il a inventé le cinéma parlant. Oui, il a tourné une version de 20 000 lieues sous mes mers. Il a inventé le cinéma qui bouge. Les effets spéciaux. Les caméras portables. Pas du tout. C'est un genre de film? La couleur. C'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec le cinéma, c'était pour vous aider. Alors le cinéma porno, c'est du cinéma... X? Oui. Le rayon X? Pas de réponse de Frédéric Coster. Oh là, c'est tordu. Et voilà. Bon, Damien, un point. Allez, hop. Je l'avais. On les aura. Voilà. Bon, alors, avant de continuer à marquer les points, il va falloir, pour nos auditeurs qui attendent que ça, commencer la première tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Alors, Bob. Eh bien, c'est un mec. Ouais, au secours, monsieur le policier. J'ai perdu ma femme. Bah, faites-moi une description. Alors, elle est grosse, elle a un œil de verre, elle a un dentier qui pend, elle est un peu chauve sur les bords, elle a beaucoup de barbe, elle a eu un accident de voiture et elle a plus qu'une fesse. Ah, eh bien, vous en avez de la chance. On ne l'a pas retrouvée. Oui. C'est Barbara et Samantha, deux blondes, qui sont en voiture. Et donc, il y a un carrefour et la voiture s'arrête. Pierre démarre, puis elle s'arrête. Pierre démarre, puis elle s'arrête. Pierre démarre. Il y a un flic qui est là, qui est intrigué par le petit manège et qui arrive et... Mais qu'est-ce que vous faites? Bah, voyons, c'est dans le code de la route. Quand feu est orange, on s'arrête. Et pourquoi vous vous arrêtez à chaque fois? Bah, parce qu'il clignote. Oh. Voilà, commence bien cette année. Damien va relever le niveau. Ah, ça va pas être espérons. C'est très simple. Non, c'est un patient qui va chez son psy et il dit « Docteur, je suis bien embêté, ma sœur se prend pour moi. » Donc le psy dit à son patient « Écoutez, emmenez-moi votre sœur. » Et le patient dit « Ben, je suis là. » On va peut-être rentrer maintenant. Les hostilités sont lancées. Est-ce que vous connaissez la différence entre Jeanne Calment et Lady Di? Elles sont mortes toutes les deux. Oui, mais la première est morte à 120, tandis que l'autre à 150. Oui. Bon. Avoir un glaçon, s'il vous plaît. Le temps que Maurice se reserve un petit verre. Et on va revenir pour la suite dont on va se marrer avec Damien Lecan. Oui. À tout de suite. Retour dans Basse-Marée avec Damien Lecan. Alors, on t'a prévenu, Damien, dans cette émission, il y a des épreuves, et il y a une des épreuves qui est l'épreuve du trivial. Ah. Assez simple, une carte de trivial pour chaque équipe. But du jeu, répondre à un maximum de questions. Il y a 6 questions par carte. Chaque question, c'est un point. L'équipe qui aura marqué le plus grand nombre de points marquera le point final. Alors, deux cartes. Alors, Maurice, la carte numéro 1 ou la 2? Elle est la 2. Ah non, il fallait faire choisir à Bob. Parce qu'après, mon Dieu, ah, c'est truqué. Non, c'est pas truqué. Il a choisi la mauvaise carte. C'est tout. Alors, tu commences par une réponse, hein, seulement. Oui, non, mais on se concerte, quoi. Oui, oui. Ah oui, sauf quand on vous le propose. Si, quand on vous dit vous pouvez donner plusieurs réponses, vous pouvez y aller. Je ne propose jamais. Attention, oui, parce qu'on regarde le chrono. Parce que si jamais vous êtes à égalité, c'est l'équipe qui aura été tirée. Il faut répondre à combien de questions? 6. Si c'est une carte de trivial, les 6 cartes, les 6 questions. En une minute. Au maximum. On dira c'est notre réponse. Hein, quand d'accord. Ça sera, voilà. Pour la valider. Voilà, pour la valider. C'est notre dernier mot. Voilà. Bon, vous êtes, est-ce que vous êtes prêts? Oh, bah oui, à part Maurice, on est prêts. Hein. C'est parti. Quel pays a la consommation de fromage le plus élevé par habitant? C'est nous. Par habitant? Bah oui, la attends, France. Ouais, moi, ouais, je dirais la France. C'est la Hollande. C'est votre dernier mot. Il faut valider. Hein. C'est votre dernier mot, Pipi. Oui, c'est on valide. Réponse. Bonne réponse. Ah. Dans quel film entend-on cette réplique? Bizarre. J'ai dit bizarre. Ah, c'est. Atmosphère. Bizarre. Vous avez dit bizarre. Comme c'était. L'hôtel de. L'hôtel. Doc Doc, non. Non, l'hôtel du Nord. C'est Jouvet, c'est ça. Bizarre, bizarre. L'hôtel du Nord. Ah. Non, c'est pas. Enfin, bon, on va dire comme c'est notre réponse, l'hôtel du Nord. Et malheureusement, non, c'était Drôle de drame. Ah, ah oui, oui. Quelle est la particularité des gardes du corps du colonel Kadhafi? Ah oui, ce sont que des femmes. Ce sont notre, ça sera notre réponse. Bonne réponse. Quelle école d'art dramatique a été fondée par Lee Strasberg? Je connais pas, tu connais tous ces gens? Non, non, non. École dramatique? École d'art dramatique. En France? Non. Je sais pas, on passe. Vous passez, c'était l'Actor Studio. Ah oui, c'est bien. Pourquoi King Camp Gillette est-il célèbre? Pour les lames. Oui, pour les lames de rasoir. Oui, ça sera notre réponse. Pour les lames de rasoir. Bon, je vous l'accorde. Effectivement, c'est parce qu'il a inventé le rasoir à lame. Oula, alors, on l'accorde. Bon, quel est le nom de guerre de Manuel Benitez Pérez? Ah oui. Manuel. Benitez Pérez. Oui. Oui. Manuela. C'était pas le Che Guevara. C'est le oui, c'est ce que je pense. Ouais. Non, c'est Ernesto son prénom. Ah ouais. C'est pas lui. C'est Ernesto. Manuel. La vieille, est-ce que t'as une réponse? C'est ton époque pourtant. Ah bah oui. Mon époque, salope. T'as quelque chose à dire là-dessus, Manuela? C'est pas Zorro, non? Ah. Tu es là. Voilà. Le compteur tourne. Mais je plaisantais. Le compteur tourne. Franco. Vous dites Franco. Ça sera notre réponse. Et c'était El Cordobès. Ah, c'est une question sport et loisirs. Alors en combien? En 2 minutes et 20 secondes. Alors score à battre, c'est 3 bonnes réponses. En moins de 2 minutes 20. Damien, t'es chaud, c'est bon? C'est bon. Allez. Je suis prêt. Vous êtes prêts tous les deux. Hein. Ouais. Attention, le chronomètre est prêt. C'est parti. Oui. Qu'appelait-on l'Amérique russe avant 1867? Facile. J'ai aucune idée. Mais tu sais pas ça, idiote. Tu sais, toi? Aucune idée. Au hasard. L'Ukraine. Voilà, l'Ukraine, c'est le dernier mot. C'était l'Alaska. Ah, bon. Okay. Comment s'appelle la maison de la famille Ewing? South Fork. Bonne réponse. Valide. Quel homme politique mexicain a été assassiné en 1923? C'est le, c'est, pour vous aider, c'est l'homme politique préféré de Valérie Lemercier. Il les aide. Moi, je connais celui-là. Hein. Zapata. Oui. Pancho Villa. Ah, Pancho Villa. Bien sûr, Pancho. Oh, j'aurais dit Zapata aussi. Qui a écrit De l'amour? De l'amour, c'est. De l'amour. C'est une question arrêt littérature. Oui, on s'en doute, oui, que c'est pas sur les paquets de chips. De l'amour. Je sais pas. Marguerite Duras. Oui, non, c'était Stendhal. Ah, ouais. Je la connais pas celle-là. Quelle explosion volcanique a produit Régine. A produit le bruit le plus violent de l'histoire? Un paix de Bob du club. Éruption volcanique. Donc c'est le nom du volcan. Oui, c'est ça, c'est le nom du volcan. C'est Frayer, piton de la Fondaise. On va dire le piton de la Fondaise. Non, c'est le Krakatoa. Bonne réponse de Bob. Oui. Je ne connais pas les perroquets. Alors, pour le plaisir, quel est le jeu d'argent le plus populaire à Bali? À Bali? Oui. Bali, c'est Jules. C'est en Indonésie. Oui. Oui. Un jeu d'argent, le non. poker? Oui, enfin, il joue de l'argent, mais... Dans le poker? Ben, c'est le combat de coq. Ah! Ça n'a pas été brillant, là. Oh, vous n'avez pas fait fort. Non, pas non, trop. Un ouais. seul point. Et en 25 minutes, ce qui est quand même... Ce qui signifie que le point final va à l'équipe des poilus. Oui. Ouais. Yes. Ouais, mais moi, l'acteur studio, je savais. Ouais, alors, je pense qu'il est grand temps, vu l'heure avancée, oui. De présenter plus en avant Maurice à notre invité Damien Lecamp. Car Maurice ici a des blagues récurrentes. Donc, on a dit qu'on les repasse en 2010 aussi. Non, alors en 2010, on a dit qu'on ne passait plus la blague du clocher. Ah non, non. Parce que celle-là, on n'en peut plus. Par contre, la vache et le citron, c'est vrai qu'on la vache et le citron, on l'a pas beaucoup entendu en 2009. Et mais au restaurant. Ça permettra. C'est celle du restaurant, j'espère. Oui. Ça permettra surtout que tu puisses juste après initier la blague 2010. Alors, une dernière par Maurice. Alors, Maurice a une histoire à vous raconter. Une vache et un citron veulent braquer une banque. Bravo! C'est pas sûr que je la réussisse. C'est pas grave. Il nous reste, Maurice, je vais pas te mettre un coup de stress, mais il nous reste 30 secondes d'émission. Allez. Le citron dit, plus un geste! Et la vache retombe. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. Elle a tourné de blague. Alors, Maurice, la blague 2010. Vas-y, Maurice. Allez, fais pas ta timide. Je l'ai même perdu en plus. Non, parce que c'est. Il l'a noté, hein, parce que vous allez voir qu'elle est compliquée. Ah, oui. C'est vrai, je l'ai perdu. Oh là là. Oh, là. Monsieur, je te l'ai envoyé en texto. Mais oui, non, mais... T'as perdu ton portable aussi? Non, mon portable. Ah, je l'ai peut-être. Ah, ben voilà. Alors, Maurice, prends son portable. Alors, la blague 2010 de Maurice. Monsieur Vache veut prendre une photo de sa petite famille. Monsieur quoi? Monsieur Vache. Ah, Monsieur Vache. Ça commence bien. De sa petite famille. Oui. Alors, la famille Vache, bien sûr. Hein. La famille Vache. Il est fait se mettre en place et s'écrit « Attention, on ne bouse plus ». Oh là là, Damien est atterré. Ça peut tomber beaucoup plus bas. Ah oui, ça peut être pire. Hein. Alors, GG, une petite mignonne. Ouais, c'est une petite question. Qu'est-ce qu'un squelette qui monte au ciel? Je sais pas. Un Éthiopien qui a bu de l'eau gazeuse. C'est Barbara qui est au chômage. Elle se retrouve au chômage. Alors, elle est désespérée. Elle peut plus. Elle en a marre de la vie. Elle va à la bibliothèque. Elle fait bonjour. Vous sauriez des bouquins sur le suicide? Alors la bibliothécaire lui dit c'est dans la pièce du fond, entre les ouvrages de psychanalyse et les bouquins de bricolage. Alors, Barbara va là-bas. Elle y va. Elle cherche. Elle trouve pas. Elle dit, écoutez, j'ai pas trouvé, les étagères sont vides. Ben évidemment, on nous les emprunte, on nous les rend jamais. Alors, Damien Lecamp. Oui, alors c'est une phrase, il me semble qu'elle est de Groucho Marx, qui dit à peu près ceci. On dit que je ne fais rien pour les générations futures, mais qu'est-ce qu'elles ont fait pour moi? Alors, c'est une dame qui entre dans le cabinet du dentiste. Sans hésiter, elle retire sa petite culotte, remonte sa jupe, s'assied dans le fauteuil et ouvre les jambes bien larges. Excusez-moi, madame, mais vous devez faire erreur. Je suis chirurgien dentiste. Le gynéco, c'est l'étage au-dessus. Non, monsieur, je n'ai pas fait erreur. C'est vous qui avez installé le nouveau dentier de mon mari la semaine dernière. Et ben maintenant, c'est vous qui allez le retirer. Bon, Proust, Mallarmé, Victor Hugo, Philippe Bello. Dans quelques instants, on va revenir Oui, avec une nouvelle épreuve. Il y aura le petit jeu de Fred comme chaque semaine. et peut-être un extrait du spectacle avec Damien Lecan. Ouais. À tout de suite. Retour on va se marrer avec Damien Lecan. Bravo. Ah oui, bravo. Alors Damien, donc tous les dimanches soirs au bout à 20h45, théâtre du Bourron à Pigalle. Voilà. Pigalle à Paris. Le spectacle s'appelle le Big Show. Est-ce qu'il y a un site internet sur lequel on peut avoir plus d'infos ou... Oui, sur le site du Bout. Le Bout, c'est BOUT. Et le site doit être www.lebout.com. Et on peut réserver en ligne, je pense. En plus. Oui. Très bien. Alors ce spectacle avec des impros, stand-up, sketch, un petit peu d'impro avec le public aussi. Comme le public peut voter, ça permet aussi aux comédiens de jouer là-dessus. Il y a des réactions réactions par rapport à l'actu aussi ou pas forcément. Ça dépend des styles. Ça dépend des genres. Ceux qui sont en sketch en général, bon, ils ont leur sketch bien. Oui. Bien. Balisé, voilà. Mais ne te laisse en stand-up, on peut plus facilement réagir sur l'actualité. Ne te laisse pas te distraire parce que du Bob est en train de se battre avec ses collègues pour manger des noix de cajou pendant qu'on parle. Bon. Pourrions moins écouter, hein. On écoute. Hein. On peut ouvrir la bouche et écouter, hein. Oui, oui. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, pas toi, Maurice. Ça fait quoi? D'ailleurs, c'est bien connu. Il a dit que c'est différent. C'était complètement. C'était pas forcément de l'actualité quand les gens faisaient des sketchs. Oui. Ils avaient leurs trucs, etc. Bon, voilà. Ah oui. C'est exactement ça. Ouais. Très bien. Voilà. Et alors, quand tu dis que dans votre équipe, qu'on suit, hein. Dans votre équipe, ça tourne. Ça veut dire que le spectacle change aussi. Oui, alors en fait, on tire au sort au début parmi les 8 candidats les deux équipes, 4 contre 4. Et comme parfois on n'est que 6, parfois on peut même être plus de 8, effectivement, les spectateurs peuvent revenir, ils verront pas forcément deux fois les mêmes comédiens. Et puis on essaie aussi de renouveler les sketchs de semaine en semaine. D'accord. Voilà. Bon, alors pour donner envie à nos auditeurs d'aller jeter un petit coup d'œil au bout le dimanche soir... Une bonne idée, tu nous as ramené un petit enregistrement du spectacle. Qui a été fait donc au Big Show il y a 3 semaines à peu près. Voilà, alors on découvre avec vous cet extrait avec Damien Lecan. Oui. Merci de votre accueil. Vous voyez, messieurs, dames, mes parents ne sont pas du tout d'accord avec l'idée que je fasse de la scène. Ils me disent que la scène, c'est un mieux drogué, que les drogués, c'est des bons à rien. Ben, je suis pas d'accord avec ça, les drogués, ce ne sont pas des bons à rien. Ils feraient par exemple de très bons horlogers, puisque chez eux la petite aiguille indique le nombre d'heures qu'il reste à vivre. Non, mes parents préféraient nettement que je travaille dans une entreprise en bonne et due forme. Alors j'ai envoyé mon CV pour leur faire plaisir, et j'ai été recruté dans une agence de communication marketing. Le genre d'endroit où tu dois être cool, tu dois parler marketing. Bon, tu dis pas j'ai une réunion, mais ouais, j'ai un brainstorming. Tu ne manges pas. Tu as un déj. Et bien sûr, tu ne fais pas caca. Tu fais un débrief de ton déj. Ma boîte, finalement, elle est comme toutes les boîtes que vous connaissez, messieurs, dames. On a un boss, une secrétaire. Enfin bon, comme souvent, c'est la secrétaire qui bosse. Et le boss qui sécrète. Alors dans cette boîte que j'aime tant, vous l'aurez compris, j'ai la chance d'occuper un poste clé, un poste au cœur des problématiques. Hein, je suis stagiaire. Le stagiaire, c'est un petit peu le médicament générique de l'entreprise. Il y a les mêmes effets, mais moins cher. Et tu dois rédiger une lettre de motivation pour devenir stagiaire. C'est quand même vachement bien fait. Mais est-ce qu'à l'époque, les esclaves faisait des lettres de motivation. Monsieur le directeur, mon dynamisme, mon esprit de camaraderie, pour en merveille dans vos champs de coton. Et alors aujourd'hui, en plus, comble de l'humiliation, tu te fais exploiter en open space. L'open space, c'est les bureaux ouverts, il n'y a plus de barrières physiques entre individus. Si vous voulez, l'open space, c'est l'Union Européenne. Mais quand t'es stagiaire, t'es la Lettonie. Je peux pas être plus précis. Alors, me direz-vous, messieurs, dames, on est quand même vachement mieux étudiants. Hein? à Villeneuve, il y a quelques étudiants dans la salle. Vous voyez que c'est vrai qu'étudiants, c'est le top. T'as des réductions partout. T'as des réductions sur le coiffeur. T'as des réductions sur les transports. T'as des réductions sur ton premier salaire. Heureusement, étudiant, tu prends du recul. Moi, c'est simple, quand j'étais étudiant, je dormais 10 heures par nuit, 14 heures par jour. Et quand j'avais un peu de temps, je le passais en boîte de nuit. Enfin, le nom des cocktails concerts en boîte de nuit. On sert un Blue Sky, un Sex on the Beach, un Sex with the Blue Beach in the Sky. Mais ton cancer, tu vas l'appeler comment ? Non, ce serait beaucoup plus juste d'arriver au comptoir et de dire oh, bonsoir mademoiselle, mettez-moi une métastase paradise. Et pour tous mes amis, une cirrhose on the rocks. Après tout, le cercueil aussi est une boîte de nuit. Chacun son rythme. Alors, un extrait du Big Show à retrouver donc au Théâtre Le Bou à Paris le dimanche soir et à partir de février. À partir de février, ce sera le samedi à 19h. Toujours au Bourron. Toujours au Bourron. Ça donne envie d'y aller. Ah ouais. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai. Ouais, merci. Ouais, c'est sympa. Et c'est moi qui écris. Oui, ah, en plus. Ah, c'est bravo. Oui, parce que Frédéric, lui, il écrit des spectacles pour le. Comment il s'appelle le gars qui a fait la télé-réalité là. Ah, mais moi, je t'ai écrit ton nouveau spectacle. Ah, c'est comment? Mais tu connais déjà le titre, je te l'ai dit tout à l'heure. Déjà. Ah, c'était quoi? Maman dans ta gueule. Il écrit ça se joue. Frédéric s'est fait piquer le titre de son spectacle. Bah, ça va, on va pas continuer. Ah oui, comment ça s'appelle la voleuse? Comment déjà là s'appelle ton spectacle? Non, mais faut arrêter. Ah, bon. Émeric Marchand. Ah, mais t'avais dit que tu dirais plus son nom. Mais oui, mais j'ai rien dit. Alors, avant de continuer, moins blonde, il va falloir passer à l'épreuve suivante. Oui. Une épreuve très, très, très, très mauricienne. Voilà. Puisqu'il s'agit de l'épreuve de l'attaché de presse. Ah, ah non, il y a longtemps. C'était deviner, c'est gagné. L'attaché de presse. C'est longtemps qu'on l'a pas fait. Alors, en fait, le principe est simple. J'ai écrit des noms de stars au hasard. Ah oui, tout à fait au hasard. Tout à fait au hasard. Sur des bouts de papier. Oui. Et le but du jeu est de se faire l'attaché de presse de la personne dont le nom figure sur le papier. Sans la nommer. Sans la nommer, bien entendu. Le but du jeu étant que ce soit les membres de ton équipe qui trouvent de qui il s'agit avant l'équipe. En l'occurrence, le membre. Oui. Voilà. Je rappelle que nous ne sommes que deux. Alors, pour commencer, je propose de commencer avec Maurice. Ah, bah pourquoi toujours moi? Parce que ça nous fait rire. Alors, au hasard. Parce que je voulais aller aux toilettes, non? Non, c'est pas l'heure, Maurice. Bah, de toute façon, tu peux vous faire dans tes couches. Alors, Maurice, premier attaché de presse de la soirée. Alors, on peut dire qu'un seul mot, là, je crois. Non, tu ne dois pas dire qu'un seul mot. Là, tu expliques, tu vends ta star. On va dire les noms. Non, maintenant, on peut dire. Alors, pour trouver. Moi, je vais faire attaché de presse de Maurice, donc je vous dis qu'un seul mot. Boulet. Maurice. Bravo. Tu vois, c'est vraiment un fleur. Donc là, c'est un jeu de vitesse. On doit trouver vraiment. Voilà. Alors, Maurice, à toi de vendre la star qui est sur ton bout de papier. Est-ce que tu la connais? C'est une personne féminine. Ah. C'est une personne féminine. Patrick Juvet. Qui est musicienne. Ah. Céline Dion. Elle est animatrice en même temps des soirées de campagne. De campagne. Campagne. Goya, oui. On va jamais à la campagne. Les soirées de campagne. Oui, tu te rappelles que Gérard déteste la campagne. C'est bien pour ça que ça sent mauvais. C'est pas la Marguetta là. Annie Cordy. Non. Mais non, une animatrice. Non, mais qu'est-ce que c'est animatrice des soirées de campagne? Elle est musicienne. Bon, oui. Elle anime des balles, si tu veux. Ah, bah, Yvette Horner. Elle est connue. Oh là là là là là là. Bah. Elle n'est pas animatrice, c'est une accordéoniste. Rousse. Même si elle a mais maintenant, qu'elle fait le tour de France. Mais maintenant, elle est à la retraite. Hein. Bah voilà, oui. Donc c'est à ce moment-là que généralement Maurice se fait engueuler par Bob qui lui dit ouais, mais t'as pas dit ça. Ah oui, bah bon, il dit plus rien. Il nous aurait dit accordéoniste. Non, Rookie t'aurais trouvé l'accordéon. Bah oui, Rookie. Écoute les deux vieilles du Muppet Show là-bas. Bon allez, alors maintenant c'est au tour de Frédéric Koster. Je vais trouver à Frédéric. Non, c'est lui qui va essayer de te faire trouver. Ah non, tu regardes pas le nom. Je n'ai pas vu. Parce qu'en plus, en plus, vous savez, c'est une équipe de tricheurs qu'on a en face de nous. Pas du tout. Je n'ai pas vu. Alors, deuxième attaché de presse, Frédéric Koster. C'est quelqu'un que t'aimes bien, Frédéric. C'est pas ça, c'est que je suis pas sûr que Damien connaisse, parce qu'il est très jeune, Damien. Bon. Allez. Alors, c'est donc un personnage que nous allons chercher. Ah. Donc, ce n'est pas une personne vivante. Ah, c'est un personnage fictif. Voilà. Fictif. Fictif. Ah. Masculin ou féminin? Comment? Masculin ou féminin? Écoute, je ne sais pas. A priori, masculin. Tarzan. Quelqu'un qui avait beaucoup de poils. King Kong. Non. T'as bien fait de dire King Kong parce que ça a failli partir celle-là. Et Frédéric Costet. Voilà. Pauvre type. Il faut savoir quand même, chers auditeurs, que Frédéric Costet est poilu comme un ours. Qu'est-ce que t'en sais d'abord? Ah bah, on t'a vu à poil plusieurs fois. Hein. Où ça? Alors, quand on faisait la télé ensemble. C'est vrai. Et donc c'est un personnage animal. Le Yeti. Comment? Le Yeti. Non, qui faisait pas, qu'on a vu beaucoup à la télévision, qui faisait partie. Alors c'était pas un dessin animé. Casimir. Non. Il n'est pas poilu. Casimir. Il n'est pas poilu. Ah, peut-être de sourd, Marc. Nounours. Non. Ah. Ouais. Mais c'était à l'époque de Nounours. Alors c'était. Alors il y a eu un dessin animé. Pollux. Qui était fait... Ah, Pollux. Pollux. Oh. Manage enchanté. Connaissez Pollux? J'ai failli le dire. Ah non, ouais. Vraiment. Ah ouais, faut pas hésiter, hein, faut dire ce qui te passe par la tête, oui. Parce que sinon. Alors, résultat des scores pour l'instant. Parce que Pollux, c'était quand même. Bah, nous sommes à l'égalité la plus parfaite depuis le début de l'émission. Nos deux équipes ont 2 points. Donc, vont-elles être départagées avec les 3 prochaines stars à découvrir? Ah, eh bien. Vous serez la semaine prochaine. Dans quelques instants. Car nous allons revenir après la pause. Et je vais dénoncer, hein, pour dire. On a combien de temps pour aller cloper? Oui, allez, vas-y. A tout de suite avec Damien Lecamp. Ouais. Oh, ta gueule. Retour, on va se marrer avec Damien Lecamp. Ouais. Alors avant la pause, nous en étions à nos attachés de presse. Et je pense que maintenant, c'est peut-être Bob. Oui, Bob qui va être l'attaché de presse suivant. Oui, alors les filles. Oui. Hein, en la vendant bien, hein, la personnalité. Oui, alors c'est un excellent présentateur de télévision. Julien Courbet. Qui est mort. Ah, Léon Zitrone. Qui est mort et qui est... Philippe Bello a fait mourir 5 ans, putain. Jacques Martin. J'allais le dire. Bah oui, tu peux le dire maintenant. Ah bon, t'es ah bon, un vrai boulet quand t'es dans mon équipe. Mais c'est pas possible. Hein. Il veut vraiment ta perte. Oui, moi, je parce pense qu'il, faut, qu'il fait. Il faut qu'on explique à Damien qu'il y a très longtemps, oui. Philippe pose une question. On devait découvrir le nom de Jacques Martin. Mais à l'époque, Jacques Martin n'était pas mort du tout. Il était même pas malade. Encore. Si, il était hospitalisé. Non, il a dit, j'ai un scoop. Il était hospitalisé. Non. Il fallait qu'on trouve. Et on lui demande, est-ce que cette personnalité qu'on doit trouver est morte? Et là, Philippe était super embêté. Et il dit, on coupe l'enregistrement. Il dit non, parce qu'en fait, il est mort ce week-end. Et la famille attend que tout soit réglé au niveau des papiers pour l'annoncer publiquement. Il est quand même mort 5 ans après. Personnalité suivante. Pour Gégé. Pour Gégé, voilà. Qui est toujours très bon attaché de presse. Hein. C'est vrai que Gérard, généralement. Alors, c'est une connasse, papa, tout ça. Bah. C'est effectivement une femme, c'est une chanteuse. Ah. J'aime bien parce que je dis c'est une connasse. C'est effectivement une femme. Ah, c'est une chanteuse de variété. Ah, Mireille Mathieu. Qui en général copie les. Enfin, à copier souvent les coiffures de Sylvie Vartan, qui est de la même génération. Michel Laure. Voilà. Voilà. Oh ah, les vieilles chanteuses, c'est mon truc. Là, bah, tu ne râles pas là Non, je ne connais pas Michel Thor, donc. Tu ne connais pas Michel Thor? Ah, un petit extrait. Emmène-moi danser ce soir. Je contre jouer celle dans le noir. Moi, pourquoi je ne connais pas? Dans le quoi? Je m'appelle Michel. C'est elle aussi, ça? Oui. J'en appelle à la tendresse. Alors, le dernier attaché de presse, c'est Damien Lecamp qui va donc devoir faire deviner bien vendre cette personnalité. Je suis une femme. qui a participé à un jeu de télé-réalité. Ah, Loana. Voilà. J'étais sûr que t'avais trouvé. Oh la vache, comment ils sont restés sur le carreau, ouais, les trois en face. Alors, truquer cette émission. Bon, eh bien, à l'heure actuelle, nous avons donc pour l'équipe des Poilus 2 points au tableau des scores. Et l'équipe des Glabres en face a 5 points. Tu vois, je t'avais dit de pas t'inquiéter. Donc voilà, donc oui. Ouais. Applaudissez pas. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. Elle a tourné de blague. Alors, Bob du club. Eh bien, l'immeuble flambe. Alors, le mari dit à sa femme, vite, vite, vite, saute par la fenêtre, saute par la... Attends, arrête, arrête. On est au 13e étage. Allez, allez, c'est pas le moment d'être superstitieux. Un Indien se présente à la mairie pour changer de nom. Le fonctionnaire lui demande, mais pourquoi vous voulez changer de nom? Parce que on se moque de moi. Mais comment vous appelez? Je m'appelle Petit Train qui siffle dans la plaine. Ah bah oui, évidemment. Et comment vous voulez vous appeler? Tchou tchou tchou. Oh là là. Alors c'est une blonde qui veut absolument trouver un mec et qui part au sport d'hiver parce que oui, bah c'est les choses qui arrivent. Et elle descend à l'hôtel et puis à l'entrée, il y a le tableau d'enneigement des stations. Il y a marqué Chamonix 10 cm molle. Avoria 20 cm molle. Ah, ouais. Le Grand Bornand 30 cm dur. Ah. Alors elle arrive, bonjour, est-ce que vous pourriez me donner le numéro de la chambre de monsieur Grand Bornand s'il vous plaît? Elle est rigolote. Ah oui, elle est neuve. Bon, alors Damien Lecamp, une petite blague. Pour toutes celles et ceux qui vont chez le coiffeur bientôt, quand votre coiffeur vous demande comment je vous les coupe aujourd'hui, répondez simplement en silence. Ah oui. Alors c'est le gars qui va... Je donnerai la parole après. Donc c'est le gars qui va chez son coiffeur. Et le coiffeur qui commence à dire, alors qu'est-ce que vous devenez, monsieur Maurice? Ah, oh, bah écoutez, je vais partir là, tiens, je vais partir 8 jours en vacances en Italie. En Italie? Oui, en Italie. Oh, en Italie, mais quelle horreur! Mais c'est pas possible, en Italie, quelle horreur! Bah oui, mais... Et vous partez avec quelle compagnie? Avec Alitalia. Alitalia, cette compagnie de merde, toujours en retard, il y a rien à bouffer dans l'avion, mais c'est pas possible! Et vous êtes dans quel hôtel? Ah, je vais à l'Ambassador. Ce bouge infâme, l'Ambassador, il y a des mythes dans les chambres, les lits sont tout petits. Mais c'est pas possible, enfin c'est horrible. 15 jours plus tard, Maurice revient de son séjour et repart chez son coiffeur. Alors vous êtes allé faire... Alors l'Italie, comment ça s'est passé? Bah c'était génial. Ah bon? Et mais l'Italia, cette compagnie de merde. Ah non, très bien, on a été surclassés, ils sont vraiment aux petits soins, pas fabuleux. Ah bon, et l'hôtel Ambassador? Ah l'Ambassador? Mais c'est un palace! Mais c'est fabuleux cet hôtel, magnifique! Bah d'ailleurs, j'ai profité d'être en Italie pour aller faire un tour au Vatican. Au Vatican? Oui, au Vatican. Et il y avait le pape qui était là, et comme il a vu des Français, qu'il a envie de parler avec des Français, il nous a appelés, il nous a fait venir. C'est pas possible, oui! Et il m'a même reçu en tête à tête! Non! Mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Mais il m'a dit, mais qui c'est qui vous a fait une coupe de merde comme ça? Bon, c'est une rediff, hein. Je sais que je vous l'avais déjà fait, je crois, au réveillon. Parce que le pape, il a l'accent du sud-ouest, donc. Hey, mais qui c'est qui vous a fait une coupe de merde comme ça? T'as raison, Ratzinger, il parle comme ça. C'est l'accent de Chivardi. Ah, c'est ça, ouais. Alors, oui, tu me l'as jeté coupé la chic. Je voulais vous dire, c'est Caquette et Foufoune. Ah, mais ça, je crois. Ils font du saut à l'élastique. Oui. Qui saute premier? Ah, je sais pas. C'est Foufoune. Parce que Caquette a les boules. Ah, elle est bonne! Oh là là! Alors, dans quelques instants, nous avons le petit quiz de Frédéric Coster de Derrière les Fagots. Je vais vous montrer mon petit quiz. Enfin. Allez, à tout de suite avec Damien Lecamp. Oui. Bravo! Retourne, on va se marrer avec Damien Lecan. Public ce soir. Ben oui, et oui. Et le fabuleux quiz de Frédéric Costet. Une excellente chronique de cette émission. Je peux m'absenter. Casse-toi, connasse. De toute façon, que tu sois là ou pas. Là. Alors. Ça change rien, tu trouves rien, de toute façon. Ce soir, c'est un quiz Annie Cordy. Ah. C'est qui, Annie Cordy? C'est mon idole de quand j'étais petit. Ah ouais, t'es belge, toi? Alors justement, il y a 8 extraits de chansons. C'est tout simple, faut me donner le titre. Il y en a des très faciles, il y en a des beaucoup moins faciles. Et il y a des plus difficiles. Je vois que Damien Lecan a l'air très inspiré par les chansons d'Annie Cordy. Tu n'imagines pas combien. Il y en a 8, t'as dit ? Il y en a 8. D'accord. Et comme d'habitude, Bob, le premier extrait, c'est Annie Cordy. Non, c'est le jingle. Ah, tu fais bien de me le dire. J'aurais pu. Aussi, Johnny, tu rayonnes, tu étonnes. Attention la bébête, la vilaine bébête. Attrapez la bébête, prenez bien garde à la bébête. Ça me donne des idées. Je fais des bêtises derrière l'église. Je peux pas me m'empêcher. Dieu me pardonne. Il y en a trois quand même où il y avait le titre dedans. Ouais, il y en a quatre, moi, j'en ai. Ah oui. Il y en a un que j'ai pas trouvé, moi. Ah, et Damien a noté des choses quand même. Oui, j'ai vu. Attends, j'arrive. Il y avait aussi Frédéric, tu es un gros enfoiré. Il y avait le truc de sa comédie musicale. Il y en avait trois des comédies musicales. Bah, dans ce truc-là, il y a deux choses vraies, gros et enfoiré. Je crois que des pertes de claques vont tomber. Alors, est-ce qu'on la décompose? Ah ben, comme Bob. Complètement décomposé. Alors, c'est parti. Mon kiki. Alors ça, Bob. Tata yo-yo. Mais non, c'est le jingle, ça. Ah, pardon. Complètement. Oui, bah ça, c'est tata yo-yo. Bah, oui. Elle le dit. Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Laisse Annie Cordy. Alors ça, c'est facile. Ça, c'est Hello Johnny. Hello Dolly. Hello Dolly. Ah, Dolly? Oui. Elle a gardé le même titre. C'était Hello Johnny qu'elle avait appelé ça. Mon Dieu. La bébête. Bah, la bébête. La bébête. La bébête. Surnommée, enfin le sous-titre de cette chanson, c'est Maurice. Maurice. La bébête. La. Papa là, ou je sais pas comment ça s'appelle. Ce soir, on vous met le feu. Mais non. Ça c'est l'idée. Il y a le public qui souffre. Ragmar. J'avais noté ce soir, on vous met le feu, mais non, je savais que c'était pas le vrai texte. Mais non. Frida ou papa. Frida ou papa. Feta. Ah bah j'avais que le nom, moi, j'ai pas de prénom. Feta ou papa, c'était la version chantée par Nikos Aliagas. Voilà. Je suis Feta ou papa. D'accord. Bah j'avais dit ou papa. La vie est belle. Ah, ça c'était une comédie musicale. Et beaucoup de succès dans les années 70. C'était Nini la chance. Nini. Tu l'avais vu, Damien, non? J'en ai rêvé. Ah bah c'est le kiki, ça. Non. Moi j'ai trouvé. Moi j'ai trouvé. Allez, elle est là-bas, non, non, je sais pas. Non. Non, je l'ai pas. Non, la grande joie, c'était Grégory. Chaud, chaud, cacao. Ah, oui. Chocolat. Chaud, chaud, chaud, chocolat. Rikiki, débriki. Alors, ça, ensuite. Alors, ça, c'est mon tube de cacao. Oh, c'est la bonne du curé. La bonne du curé. La bonne du curé. Et alors, je voudrais qu'on laisse la dernière réponse à Damien. Oui, aïe, t'as la pression là. Je lui ai envoyé la musique. Bravo. Oh. Envoyer la musique, qui était une comédie musicale qu'elle a jouée à Paris, et il y avait un rôle de clarinettiste dans la pièce. C'est Christian Morin. Exactement, c'était Christian Morin qui jouait dedans. Bah, tu vois que tu connais Nicordé. Oui. Bravo. Bravo. Ouais. Alors que Maurice, dans les années 50, faisait une comédie musicale qui s'appelait Envoyer. C'est le public entendu. Qui dit les conneries maintenant. C'est dans le public. Je sais pas si vous l'avez Envoyer entendu. La purée. C'est le public. Qui... C'est le public qui dit les conneries maintenant. Moi, je voulais dire envoyer la milice, mais je ne t'ai pas. Oh, oui. Et voilà. Bon, et bien sûr, à ce jeu, il n'y avait pas de points à marquer. Heureusement, parce que sinon, encore une fois, Bob aurait perdu. Hein, eh ben oui. Puisque c'était le dernier titre qui comptait, et comme c'est Damien qui a dit la bonne réponse. Il lui a donné la réponse. Voilà. Mais attends, je rêve. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. Elle a tourné de blague. Ah, cher Bob. Alors, c'est Toto qui revient de l'école avec son bulletin, des zéros partout. Alors, ça te rappelle des souvenirs. Sa mère, quelle excuse tu vas encore me donner? Eh bien, j'hésite entre l'hérédité et l'environnement familial. Je ne connaissais pas. Elle est neuve. Deux secrétaires brunes parlent de leur collègue blonde. T'as vu, elle les a enfin rejointes. Qui donc? Ses jambes. Une blonde qui sort du bureau du docteur. Son ami lui dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Elle retourne voir le docteur. Docteur, vous m'avez dit Sagittaire ou Capricorne? Non, madame. Cancer, madame. Cancer. Et voici la blague de Frédéric Coster, actuellement en spectacle. Ah bon? On m'a pas prévenu. C'est une blonde qui a acheté un chien. Et alors, on lui dit, alors, c'est ton chien, t'en es contente? Non, arrête, il est complètement débile, ce chien. À chaque fois qu'on sonne à la porte, il court à la porte alors que c'est jamais pour lui. Alors Damien a la pression. Ah oui, là. Hey. J'ai ou la pression. Comme tu veux. Donc la première sur laquelle je suis tombé, je m'excuse par avance. Pression. Qu'est-ce qu'un QI de 120? Une blonde. 120 blondes. Elle est bien. Elle est mieux que les blagues de Maurice. Alors, c'est un petit bonhomme qui fait un pari avec une femme un peu corpulente. Grosse, comme, quoi. Oui. Comme quoi, il est capable de la faire jouir 20 fois par jour, à condition que ce soit dans le noir et chaque demi-heure qu'il puisse sortir 2 minutes pour respirer. Bon, il dit, bah, écoute, ok, la femme accepte. Il se couche et en avant, la musique. 2 minutes, il revient. 2 minutes, il revient. Et alors, la 15e fois, la femme, elle en peut plus, puis elle lui demande, oh non, mais là, j'en peux plus, arrête, je vais fumer, arrête, j'en peux plus. Elle allume la lumière, et puis, elle voit un type, mal rasé, tout, mais qui êtes-vous? Où est le petit bonhomme avec les lunettes? Celui qui vend les billets? Oh. Oui. Allez, on va revenir dans quelques instants avec une nouvelle épreuve. Merde. Ben oui, il faut bien. Hein, voilà, depuis le début, c'est une super épreuve. Ben oui, et peut-être que Damien Lecamp aura révisé une blague supplémentaire. À tout de suite. Oh. Un tour d'on va se marrer avec Damien Lecamp. Bravo. Ah oui. Damien Lecamp qu'on a kidnappé quelques minutes du Big Show. Donc les, alors est-ce que généralement dans les élections, puisque il y a quand même une sorte d'élection puisque le public vote. Oui. Est-ce que c'est plus souvent les équipes plus féminines qui gagnent ou plus masculines? Non, c'est pas vraiment une question de sexe. En fait, bon, il y a des niveaux d'expérience différents, donc en général, il y a deux gagnants qui se détachent. Est-ce que c'est plus souvent à la fin, puisqu'il y a un grand gagnant? Oui. Allez. Alors, est-ce que c'est plus souvent une fille ou un garçon? Alors, en l'occurrence, c'est plutôt un garçon. Ah, les mecs sont plus forts, hein. C'est ouais. Bien connu. Hein. Alors, un petit jeu. Gratte-moi la queen, il dit tout ça. Que vous connaissez bien, puisque c'est le multi-quiz. Oui. Donc, un quiz pour chaque équipe. Le but du jeu est de répondre à un maximum de questions en une minute. Donc il faut le chronomètre, évidemment. Alors, vous avez le choix des questions. Cher Bob du club, vous allez pouvoir choisir, vous, les premiers, équipe des poilus, puisque vous êtes mené pour l'instant. Ne me fais pas de pied, s'il te plaît. Non, non, alors, je te propose, Bob, je vous propose un questionnaire sur la Bible. La Bible. La Bible. Les monnaies des pays. Ah. Les hymnes nationaux. Ah, on l'a pas déjà eu celui-là. Si, non. Si, mais personne le prend. Stargate Atlantis. Ah, oui. Et alors, un questionnaire également sur les charlots. Oui. Moi, je prendrais plutôt la Bible, hein, les filles. Hein. Ouais, moi aussi. Oh, je prends n'importe quoi. Il prend tout. Ouais. Chèque, carte bleue, espèce. Ouais. Alors, un questionnaire sur la Bible en une minute, top chronomètre. Que signifie le livre de l'Apocalypse? Trois propositions. Chaos, catastrophe ou révélation? Révélation. Révélation. Une bonne réponse. Le thème de la Bible est lié directement avec Jésus le Fils de Dieu, le pouvoir de Dieu ou le nom de Dieu? Le nom de Dieu, non? Oui, je crois que c'est le pouvoir ou le nom. Moi, alors vous me dites. Le nom de Dieu, moi. Vous êtes plutôt pour le nom? On va dire pour le nom, alors. Le nom de Dieu, bonne réponse. Quel passage de la Bible nous dit que la Bible a pour auteur Dieu? 2 Pierre 1:21, 2 Théronome 18:22 ou 2 Timonée 3:16? Là, faudrait dire au hasard. Ouais, ouais, allez, on dit le premier. Pierre, on va dire Pierre? Oui, on dit le premier. Allez, Pierre. Bonne réponse. Vous avez fait le catéchisme. En quelle année a commencé la rédaction de la Bible? En 1513 avant Jésus-Christ, en 513 après Jésus-Christ ou en 2513 avant Jésus-Christ? Je peux faire une parenthèse parce que j'étais pas né. Non, avant, ça dépend de quoi on parle. Si on parle de la Bible, la Bible a été écrite par les apôtres. Enfin, ah, tu parles de celle-là, toi? Bah, tu parles pas de l'Ancien Testament? Qu'est-ce que tu dis, toi, René? On sera obligé de rajouter du temps. Si l'Ancien Testament avec la Genèse et tout ça, c'est moins que ça. On va à vous. Avant Jésus-Christ? C'est avant Jésus-Christ. C'est avant Jésus-Christ. Oui. Alors. C'est 1500 avant Jésus-Christ. 1513 avant Jésus-Christ. Ah oui, Noé. Eh bien, c'est une bonne réponse. Oui, ça, c'est l'Ancien Testament. Alors là, vous me sciez. Parce que vous avez quand même réussi à donner 4 bonnes réponses. Sur 4. En combien de temps? En 1 minute 10 minutes 30. Oh, c'est pas mal. Bon, Damien, tu te sens fort dans quel dans domaine les chapeaux. Moi, je vous vois bien avec les chapeaux, là. Les chapeaux. Alors, il me reste la monnaie des pays, les hymnes nationaux. La monnaie des pays, tu ne l'as pas proposé. Si. La monnaie des pays, les hymnes nationaux. Stargate Atlantis. Ou les charlots. Les charlots, je suppose que tu connais pas. Je te laisse choisir. Non, vas-y, parce que... Aucune préférence. Les charlots, c'est à chier. Moi, je choisirais bien les charlots. Mais il faut que tu puisses jouer un peu aussi. Si tu te sens sur le charlot, on y va. Bon, alors, on va les piler sur les charlots. Enfin, on va les piler sur les charlots. On va essayer. Ça va être des trucs à la con, je vais pas savoir répondre. Alors, pour les charlots, en 1 minute 30... Les charlots, c'est bien le groupe, les charlots. Oui, oui, oui. C'est pas les films de charlots. Non, non. Ah, le groupe de chanteurs. Alors, c'est parti pour 1 minute 35. Allez. Pour que... Vas-y, on se prendra moins de temps, vas-y. Qui était leur manager? Yvan Schiffre, Michel Ardan ou Christian Fechner? C'est leur producteur, Christian Fechner. Bonne réponse. Pourquoi les charlots se retrouvent-ils à trois? Parce qu'il y a une crise dans le groupe? Parce qu'il y a un problème de place dans la voiture? Ou parce qu'il y a une mésentente entre Christian Fechner et Jean? C'est... Pourquoi ils se retrouvent à trois? Parce que demandé, idiot. C'est en fait parce que Louis Rego est parti et qu'ils ont fait un procès à Christian Fechner. Et comme il y a un du groupe qui était le frère Jean-Guy Fechner, il a quitté le groupe pour pas être en procès avec son frère. Donc, voilà. Donc ça serait la trois alors. Bah voilà. Oui, bah c'est une bonne réponse. Oui. De qui ont-ils fait la première partie à l'Olympia en 1966? Johnny, les Rolling Stones ou Michael Jackson? Rolling Stones. Oui, c'est une bonne réponse. Comment se nommait le groupe avant de les devenir... Problèmes. Bonne réponse. À combien ont débuté les Charlots? À 25. 3, 4 ou 5? 5. Une bonne réponse. Pourquoi Gérard a quitté le groupe? Il en avait assez les Charlots, il avait un projet de pièce de théâtre ou il est tombé malade? Pièce de théâtre. Pièce de théâtre. Et c'est une bonne réponse. Mais même avant la minute 35, on va arrêter là parce que les 4 points ont été pulvérisés puisqu'on est déjà à 6 points de marqué. Bah non, il n'y a pas eu le temps. Attends, c'était en une minute normalement. Mais réponse à la question à la con, réponse à la con. Mais c'est vous qui avez perdu un temps pas possible à dire est-ce qu'on prend 6, est-ce qu'on prend 6. Donc. Il nous a pas dit que c'était minuté. Bah bien sûr que c'était minuté. Truqué encore. Donc le point revient à votre équipe, cher Damien et Frédéric. Un point de plus. Bravo Damien. Excuse-moi. Dans quelques instants, Damien, heureusement. Dans quelques instants, nous allons avoir une nouvelle tournée de blagues. Et moi, comme Damien l'a réclamé, nous aurons peut-être une surprise de Maurice. Il va se barrer. Mais ce serait une bonne surprise. On revient dans quelques instants. Ah, tu nous as pas encore fait la limitation de Maurice ce soir? Ah bah non, parce que je raconte des blagues. Retour d'On va se marrer avec Damien Lecamp. Ouais, ouais, bravo. Et un petit bout du Big Show, donc enfin un petit bout, une petite partie du Big Show, et puisque un huitième à peu près. Un huitième du Big Show que vous retrouvez au bout à Paris et peut-être en province. Et c'est où ça? C'est où le? C'est 62 rue Pigalle. C'est tout près de la place Pigalle. Ah, c'est métro Pigalle. Métro Pigalle. Voilà. C'est un spectacle que vous jouez depuis combien de temps là-bas? On a commencé cet été, on a été prolongé parce que ça marchait bien, c'était pas presque plein ou plein même tous les soirs, donc le théâtre nous a prolongé et on prolonge jusqu'à, même jusqu'à l'été 2010 maintenant. Ah bah c'est sympa. Ça fera presque un an de programmation. Bravo. Ah bah oui, non, mais alors là oui. Ah, oui. Merci. Excellent. C'est gentil. Les spectacles qui marchent et qui font du monde à Paris sont rares. C'est rare, c'est rare. Un jeu maintenant qu'apprécient tout particulièrement nos auditeurs. Que le monde entier nous envie. Et oui. Ah, oui. Mais qui nous le laisse. Le deviner, c'est gagner. Le principe est très simple. Oui. J'ai écrit tu devines et tu gagnes. Des mots anodins. Anodin. Comme d'habitude. Totalement anodin. Complètement sur des bouts de papier. Anodin, oui. Je distribue ces mots chacun à votre tour. Le but du jeu étant de faire deviner le mot à son équipe, mais en ne donnant qu'un seul mot à la fois. Donc ça peut être un synonyme, mais ça peut être aussi un mot qui fait penser, machin, etc. Voilà. C'est un mot, une proposition. Un mot, une proposition, exactement. Ce peut être allez, on va commencer avec Maurice, parce qu'on sait que Maurice... C'est peut-être aussi un homophone. Un homophobe. Ne. Homophobe. Ne. On a le droit de trouver nous aussi. Ah oui, bien sûr. Alors là, par contre, d'accord. Il va d'abord choisir. Chacun son tour. Voilà, d'accord. Chacun son tour pour pas qu'il y ait cacophonie. Donc Maurice va choisir s'il commence par son équipe ou par les clips des Glabres. Maurice. Je réfléchis. Ah merde. Ah, pas de problème. On n'a pas de peau. On va repasser de la pub alors. Je vais commencer par mon équipe. Alors, donc le premier mot. Mercerie. Bébé. À mercerie. Non, tu voulais dire quelque chose à Bob. La main passe. Tu veux dire quelque chose à Bob, bah, Maurice? Tu me désoles. C'est bien la main envoyé. Passe. La main passe. Maintenant, un mot pour l'équipe des Glabres. Merci. Fil. Non, oui. Vas-y dans le micro. Le bouton. Non. Ah, et là, il est content. Hein. La main repasse. Et tu repasseras. Pour l'équipe des Poilus. Métier. J'ai dit mercerie. Ah oui, oui, ça va, on a compris. Métier. Celle qui on va dire couturière. Celle qui couche, couturière. Non, non. Ah, la main repasse. J'ai dit métier. Oui, tu l'as dit déjà. Je l'ai dit métier, j'ai dit tout. Dessin. Ah. Couturière a été proposée. Oui, oui, oui. Couturière, on l'a fait, nous. Oui. Ouais. Bon, on va tenter styliste. Ah. Non. Ah, oh. Shot. Allez. Allez, Maurice, un mot supplémentaire. Il y a un mot que j'aimerais bien entendre. Alors, dis le mot qu'a envie d'entendre Bob. Merde. Aiguille. Oui. C'est pas celui-là que j'attendais. Eh oui, non, mais et alors quand même. Canevas. Oui. Oh, là, là, là. Sinon, il y a des cadres. Le canevas est dans un cadre. Oui, oui, parce que le médecin appelle ça le métier. Mais bon, hey, oui, mais les indices étaient bons. C'est bien, c'est bien. C'était, ouais. Parfait. Ah, voilà. C'est bien, c'était bien, Maurice. Ah, pour une... J'en reviendrai la semaine prochaine. C'était bien, Maurice. Ah. Alors, maintenant, un mot pour Frédéric Coster. Pauvre garçon. Cloche. Toi-même. Il y a Pâques, il y a Bourdon, il y a Église, il y a... Le glas aussi. Le fromage. Glas. En erreur, hein. Oui, oui, oui. La cloche à fromage. Oui. La cloche à fromage. Le glas aussi. Oui. Le... Non, on peut dire le fromage, glas. Ça serait le glas. Glos. Pas le gland, Philippe. Le glas. Hein, on va dire fromage. Ah, fromage. Pas du tout. Alors là, c'est pour toi, Damien. Alors pour Damien. Sonner. Il a été évoqué tout à l'heure, mais je vais proposer le glas. Non. Ah, la main repasse. Clocher. Maurice, c'est à toi. Qu'est-ce que vous préférez, les matines ou les vêpres? Non, les matines. Les matines. Oh, les œufs. C'est les œufs. Les matines. Non. Ah, la main repasse. Damien, c'est à toi. Attention. Toccata. Ah, je proposais non, mais sans conviction, l'orgue. Non. Ah oui. Ah. Allez, bon, alors... vas-y, va. Oui. Cet combien... enfoiré de Bob. Non mais ils l'ont. Nichon. Moi, je pensais au tocsin, les filles. Oui. Hein, oui. On va dire ça. Tocsin ! Oui, c'est le tocsin. Ah, ah oui. Oui, parce que toccata pour le toc. Oui, voilà. Toccata, oui. Et nichon pour le sein. Bon, alors, un mot pour Gégé, peut-être, maintenant, non ? Yes. Bah, allez. Alors, pour ton équipe ou pour l'équipe des glabres ? Pour face. Ah, non. Pour vous. Bouteille. Faut dire à nos... Bon, canette. Non. Allez. On va dire bouchon ? Ah là, là, là, là. La main repasse. Lesbienne. Ça m'étonne pas que Frédéric l'a trouvé. Vas-y, Damien, vas-y. Le goulot. Non. Non. Oh, féminin. Goulotte. Yeah. Oh là, là, là, là, là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais une goulotte. C'est un passe-câble, oui. c'est ce qui sert à passer des câbles dans un appartement. On appelle ça une goulotte. Bah, là-haut, oui, tiens, là-haut, jamais entendu parler de ça. Alors maintenant, c'est Bob du club. Ah, alors là, il y a intérêt à ce que Maurice trouve, parce que sinon, on a un scandale. Tu me désoles, Maurice. Ah, ça alors, est-ce que tu fais commencer ton équipe, Bob, ou est-ce que tu choisis d'abord l'équipe d'en face? On va chercher l'équipe d'en face. Attention, Damien et Fred, c'est pour l'équipe d'en face, elle dit merde. Légumes. Bob du club. Concombre. Ah, mais c'est ça. À vous, les filles. Oui, maman. Tomate. Bob, alors. Citrouille. Ah. Non. Voleuse. La carotte. Ah. C'est pas ça. Non, pas ça, non. Bourg. Topinambour. Bravo. Oh. Ah, les légumes. Pour ça, c'est quand même oui, c'est pas facile à trouver. Hein, oui, c'est vrai. Quel rapport avec la tomate? Ah oui, tomate. Là. Oui, ton. Ah, oui. Allez, Damien, bon courage. Alors, est-ce que tu choisis de faire commencer Frédéric ou d'abord l'équipe des poilus? Je vais commencer par l'équipe des poilus. Ah, allons-y. Bébé. Hein? Bébé. Bébé. Ah. Bah oui. Bon, on pense à couche tout de suite. À saloperie aussi. À déchets. Naissance aussi. Initial, ouais, comment? Naissance aussi. Oui, on pense à ça naissance. Pourrait. Alors, bah vas-y, dis-en. Naissance. Allez. Naissance. Non, c'est pas ça. La main passe. Frédéric. Frédéric, concentre-toi un peu. Oui, se concentrer dans ton âge. En fait, ça peut aller très vite à partir de maintenant. Ah, ouais. Alors, quand on dit ça en général, bah, accélère. Alors, c'était quoi le premier mot de... Bébé, le premier oui, mot. Bébé. Vas-y. Frigidaire. Congélateur. Oh. C'est affreux. T'avais qu'à nous dire courgeon, aurait ah bah oui. Eh bien, le point ça est marqué. Ça a été très vite. Oui, oui. Effectivement. Alors, résultat. Heureusement, 3, 6, 7, il y a courgeon. Ouh là là là là, pour l'instant. Ouh là. Les scores. Ouh là là là là là. Oui, c'est ça. Ouh là là là là. Enfin, le match. Il est en train de virer sa comano, Bello. Je sais pas ce qui lui arrive. Il a eu sa période Belmar. Oui. Et là maintenant c'est sa période de jeune. C'est là. Ouh là là là là là là là là. Bon, alors les scores sont très serrés. Oui. Ah, oui. Mais je vais vous en dire plus dans quelques instants. Plus. Pour la dernière partie de l'émission avant la congélation totale de tout le monde. De tout le monde. Oui. On t'avait pas dit que en fait ce soir c'est une répétition d'Hibernatus. Oulalalala. Allez, on revient dans quelques instants avec Damien Lecoq. Oui. Pour quelques minutes encore, on va se marrer avec Damien Lecoq. Bravo. Alors Damien avec son big show, mais alors vous vous êtes rencontrés comment avec tes complices un casting C'est le directeur du théâtre du Bouc qui s'appelle Alexandre de Limoges qui nous a réunis. Il a réuni en fait des anciens élèves de l'école du One Man Show, qui c'est une école de cours de One Man Show, qui donne des cours de One Man Show au théâtre du Bouc. D'accord. Voilà. Et donc on est donc il a pris ses élèves. Élèves ou anciens élèves. D'accord. Et voilà, il essaie de faire quelque chose d'assez éclectique quand même dans les styles. D'accord. Donc, alors chacun en fait est venu avec ses sketchs, puisque tu disais tout à l'heure que tu as écrit tes propres sketchs. Oui, oui, oui. On a tous un spectacle en préparation. Bah, pour ma part, il est prêt, il est quasi prêt là. Donc au printemps, je vais sûrement me lancer tout seul, tout en continuant le big show à côté. Et tous, on va se lancer seul à terme, donc ça permet de tester pas mal de choses. Et, mais tous ont un spectacle soit en préparation, soit finalisé en fait. D'accord. Et alors, et en dehors du big show, c'est le premier spectacle que tu fais sur scène ou tu as déjà fait des petites choses Des petites choses, toutes les scènes ouvertes dans Paris, il y a le Changeman Comedy Club, il y a aussi. Ah bah dont on parle régulièrement. Oui. De Françoise Deldic, il y a aussi au Pranzo, les ateliers Juste pour rire, des choses comme ça. Et une petite émission aussi sur la TNT qui s'appelle le Samba Show. Et c'est sur 3A Télé Sud, une petite chaîne de la TNT. Mm-hmm. Voilà, qui s'enregistre au réservoir. Alors Maurice, puisque tout à l'heure tu as essayé quand même de faire ta blague traditionnelle à Damien, on avait dit qu'on la ferait plus en 2010, mais juste pour pour Damien. Déjà, il a pas voulu faire celle de 2010, alors. Savez-vous pourquoi le Captain Igloo ne met jamais d'essence dans sa voiture? Vas-y, car répondre. Il adore se faire dépanner. C'est très drôle. Mais c'est pas ça ta blague traditionnelle. Oui, c'est celle de la différence entre un i et un clocher, non? Ah, bravo, bravo. J'attendais qu'il me la demande. Je suis un peu cabot quand même. Alors vas-y. Et on l'a pas briefé. En plus c'est vrai. Pas briefé du tout. Alors vas-y, fais ta demande officielle à Maurice. On dirait. Maurice, j'aimerais beaucoup que tu me racontes au creux de l'oreille ta blague. Au creux de l'oreille. La différence entre le i et le clocher. Il y a des inconscients dans la c'est de l'inconscience. Oui. Alors, si tu veux, j'ai un rouleau de sopalin en coulisses parce que sinon. Ah oui, pour pleurer. Ah bon? Non, là. C'est là. Non, la régie est là, Maurice. Alors, on arrête de regarder les minous. Il y en a ça fait longtemps qu'il n'y en a pas vu. Quelle est la différence? Oui. Quelle différence qu'y a-t-il, voilà. Tu dis? Quelle différence? Alors, Maurice, vas-y, on recommence. Parce que ce soit clair pour le montage. Vas-y, fais ta demande à Maurice pour que ça soit clair. Alors, commence. Je trouve pas qu'il a un côté Alice Sapri. Oh, mais tu l'histoire s'appelle. Alors, c'est bien, on lui dit Maurice, une petite blague, et il démarre. Une petite blague. Maurice, une petite blague, celle du clocher, s'il te plaît. Ça, c'est mon verre, connasse. Quelle différence y a-t-il entre un i et un clocher? Ah, on sait pas. On sait pas. On sait pas. Frédéric, tu sais pas. Je ne sais pas. Non, c'est pas. Je ne sais même pas si on veut savoir. La différence. Le i, c'est la voyelle. Et le clocher, c'est la consonne. Oh là là. Alors ça. Moi, j'en reviens pas. Je te parie $50 que Philippe va nous diffuser maintenant un moment où il l'a foiré. Merci. Alors, nous avons Claire tout court avec nous de la petite loge et on s'est dit que ça serait bien pour qu'elle puisse savoir si elle va pouvoir l'embaucher à la rentrée pour un spectacle, que Maurice lui raconte la fabuleuse blague du clocher. Ah, en direct? Ah, oui, bah oui. Je me suis déplacé exprès pour ça, donc vas-y. Alors, quelle est la différence entre un i et un clocher? Je ne sais pas. Ah, bah non. Ah non, mais on t'écoute, moi. Je ne sais pas, j'espère que tu ne sais pas. Moi, je ne la connais pas. Non, on la découvre. Non, c'est quoi? Vas-y, le suspense est insoutenable. Vas-y, vas-y. C'est quoi la différence, Maurice? Le i, c'est la console. Jamais, jamais, il ne va y arriver. Jamais. Je l'ai pas fait exprès. Oui, bah heureusement. Ah bah on joue bien que tu l'as pas fait exprès. Jamais, jamais, il ne va y arriver. Et voilà, donc c'est la dernière fois, je la passerai plus, hein, parce que là... Chiche. Non, mais je demanderai à Philippe Bello de faire un montage entre les premières, les secondes et les troisièmes. Je veux pas non plus qu'on fasse un best-of. Oh si, ça serait bien quand à même. À son enterrement, on le passera dans l'église. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Alors, la dernière tournée de blagues avec Bob Duclos. Une vieille dame se présente à la caisse du cinéma. Ah, bonjour monsieur. Vous faites quelque chose pour les personnes âgées? Oui madame, on les réveille à la fin de la séance. C'est du vécu. Et comment fait-on les petits Suisses? Ça va comme les petits Français. Exactement. J'adore. Alors ça se passe en Afrique. Ah oui. Et là-bas il fait chaud. Et alors il arrive. Je recommence. Donc ça se passe. Oh non, mais je te jure. Donc ça se passe en Afrique et c'est un type qui arrive. Goulou goulou. On a l'habitude. On a l'habitude. Alors ça se passe en. Ça se passe en Afrique. Je crois que Bob la connaît. Hein. Je tiens plus. Arrêtez, je pisse. Alors, donc ça se passe en Afrique à l'hôpital. Il y a un type qui arrive et il est dans un état pas possible. Mais le médecin, il fait, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Mais j'ai été violé par un éléphant. C'est un touriste belge qui est là. J'ai été violé par un éléphant. Hein. Ah bah écoutez, je vais vous ausculter. Alors, bon, le mec, il regarde, il fait « Ah non, hein, c'est pas un anus que vous avez là, c'est le tunnel sous la manche, hein ?»« Bah, c'est l'éléphant qui m'a fait ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?»« Non mais attendez, c'est pas possible, hein ?»« Ça n'est pas possible, le pachyderme ne possède pas un sexe aussi démesuré. »« Oh bah non, c'est quand il a voulu me mettre un doigt. » C'est très classe. Alors, une petite blague de Damien Lecamp. Oui, alors si je ne m'abuse, c'est une brève de comptoir de Jean Carmé qui dit « L'homme a des globules blancs et des globules rouges, il me paraît évident qu'il a des globules rosés. Ah, » oui. Oui, Maurice, tu voulais ajouter? C'est un chat qui rentre dans une pharmacie et qui dit « Bonjour, je voudrais un sirop pour ma toux. » J'ai bien fallu lui donner la feuille, hein. C'est bien parce que Bob a, Maurice a son fan club. Ouais. Il l'emmène avec lui. Ah bah c'est par tranche d'âge. Alors c'est un tireur d'élite qui rentre chez son armurier pour acheter une nouvelle lunette pour viser. Alors le vendeur lui présente un nouveau modèle super performant. Vous voyez la maison là-bas sur la colline? Eh bah c'est chez moi. Alors regardez la lunette, vous verrez comme si vous y étiez. Un mec il prend la lunette, il regarde. Ah oui, on voit super bien. Ah bah je vois même un mec et une bonne femme à poil au premier étage. Alors, le vendeur lui arrache la lunette, regarde, il devient tout pâle. Il ouvre un tiroir, il sort deux balles et les tend au tireur. Tenez, si vous mettez une balle dans la tête à ma bonne femme et une dans la bite du mec, je vous offre la lunette. Le mec lui dit, attendez monsieur. Il lui rend une balle et dit, une seule devrait suffire. Oh bravo. Ah ouais. Voilà, allez, oui. On va aller prendre un grog. Alors, il est temps maintenant de regarder l'état des dégâts et l'étendue des dégâts. Ah bah, alors regardez. Oui. Et si, il faut quand même annoncer une chose importante, c'est que pour une fois, l'équipe composée de Bob Duclos, Maurice et Gégé, alias les Poilus, a quand même réussi à capitaliser 6 points ce soir, bravo, ce qui est quand même bravo, pas mal du tout, c'est très rare. Alors en général, je peux me tromper, Mais quand ils les annoncent en premier, ça veut dire que c'est nous qu'on a gagné. Et l'équipe composée de Frédéric Coster. Peut-être que ce soir il a fait différemment. Et Damien Lecamp, alias les Glabres, a marqué 7 points. Ah. Donc, ils ont gagné. Mais on est toujours. Bravo. Attends. Mais attends. Si vous n'êtes pas d'accord, on refait. Le match. Bon, alors on va commencer par remercier Bob du club. Oui, les filles. Voilà. Bravo. Je cherchais mon écharpe, mon passe-montagne et mes gants. GG. Bravo. Maurice et sa blague du clocher. Bravo. Il dit bravo, tu peux applaudir, hein, Fred. Hein. Frédéric Coster. Ah, dont vous retrouvez là devant toi en douille. Les extraits du spectacle sur son MySpace. Oui, toujours myspace.com, Frédéric Coster. Et un triomphe et un tonnerre d'applaudissements pour notre invité, Damien Lecamp. Ouais. Bravo. Merci beaucoup. Merci, bravo. Damien. Merci de m'avoir accueilli. Pardon d'être venu dans le congélateur aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on est, vraiment, c'est pas qu'on s'est froid. Mais on ira te voir plaisir. Au bout. Vous êtes les bienvenus. Avec le Big Show tous les dimanches soirs, 20h45, à Paris. Et à partir de février, toujours au bout. Le samedi à 19h. Le samedi à 19h, en plus du dimanche ou à la place? Ça remplace le dimanche. Ça remplace le dimanche. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'émission de plusieurs possibilités, s'abonner au podcast sur iTunes. S'abonner au groupe Facebook On va se marrer ou bien taper onvasemarrer.com pour retrouver les anciennes émissions. Merci à Davy pour la réalisation aidée de Michael. Bravo. Au public fidèle, à votre patience et à Philippe Vélo. Ouais. Bravo. Oh. Merci à vous tous et à la prochaine fois. Allez, à table. Et on refait l'émission.